Aquí estem, altra volta, al costat de Hola La Music, el programa de música en francès que us porta Rafael Corbí. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes. Avui el nostre començament de programa serà dedicat a la música més comercial, a la música més actual, publicat el 20 d'octubre de 2017 a través de Wagram Music. Començarem amb hip-hop i rap de la mà de Orel San, amb aquest àlbum que porta el nom de La Festa Està Acabada, un disc que arribava a principis de novembre al número 1 de les llistes franceses i al mateix temps també molt ben considerat en d'altres llistes com la suïssa i la belga. Avui escoltarem aquestes cançons, algunes d'elles, a través del nostre espai. Si ens ho permeteu, doncs, aquí tenim la música d'Orange Sam per començar el nostre programa. I, com hem dit, la festa s'està acabant. Tu trouves la vodka Red Bull dégueulasse. La musique est trop forte, tu connais aucun son qui passe. Un jour tu réalises enfin un tes fantasmes, mais tu ressens comme un vide parce qu'en fait t'as trouvé ça naze. Un jour tu t'écrases et t'atterris dans la vraie vie. T'es plus vieux que ton père sur des photos de quand t'étais petit. Un jour tu te sens perdu dans les fêtes de famille. Leurs portables sont pleins de photos de gosses, toi t'as que des photos de gamines. Quand y'a plus d'alcool sur le sol que dans les verres, c'est qu'il est l'heure de rentrer. Quand y'a plus de musique et t'es tout seul sur la piste, il faut que t'arrêtes de danser. La qui c'est ce gros porc dans la glace. C'est pourquoi tu t'essouffles alors que t'as monté trois marches. Un jour ton pote traîne qu'avec ses collègues de ta haf. Pourtant c'est le genre de connard que vous détestiez en classe. Un jour tu te rends compte que personne n'écoute tes histoires. T'étais un jeune cool, maintenant t'es plus qu'un oncle bizarre. Un jour t'as beaucoup plus de remords que désir. Et t'as passé trois mois de stress pour 30 minutes de plaisir. Quand y'a plus d'alcool sur le sol que dans les verres, c'est qu'il est l'heure de rentrer. Quand y'a plus de musique et t'es tout seul sur la piste, il faut que t'arrêtes de danser. La t'es censé changer des choses. Depuis quand les choses nous ont changé? On était censé rien faire comme les autres. Est-ce que tout le monde mentait? On était censé changer des choses. Depuis quand les choses nous ont changé? On était censé rien faire comme les autres. Est-ce que tout le monde mentait? Música i el ritme d'aquest personatge amb el seu tercer àlbum, un àlbum que amb 50.000 unitats venudes, pràcticament poc després de sortir, disc de platí, amb més de 100.000

Je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Jacques Brel, amb la col·laboració que ens portava l'Àngel Rodríguez amb el programa d'aquesta setmana. Anem, abans de retornar a l'actualitat, que ens arribarà més tard, és el moment de seguir amb grans artistes de sempre, d'aquesta varietat musical francesa. Després del 1973 ens arribava la música de Jean-Louis Moreau, més conegut com François Valéry, nascut el 4 d'agost de 1954 a Oran, Algèria, aquest cantant francès conegut per als seus hits disco dins els anys 70, per aquells balls lents, però també per moltes cançons de pel·lícules dels anys 80. És, concretament, una de les seves mostres, aquest Emmanuel. Un soir où l'on n'est pas bien dans sa peau, on va s'échauffer au laser d'une disco, on va s'étourdir à coups de décibels, on va se glisser dans la ronde des belles. Assis devant mon whisky, moi j'ai vu deviner qui. Cançons com aquesta, doncs, són les que van portar més la fama, molt més enllà de, no, de les seves cançons anteriors, aquests anys 70, però és que ell va treballar com a compositor i com a productor de cançons per multitud d'artistes, són èxits amb molts altres intèrprets, com hem dit també en sèries i pel·lícules, Joy Joan, el 85, Les Nanes, el 85, o moltes d'altres, i fins i tot va produir a Patrick Fiori a l'Eurovisió del 1993. Avui recordem algunes de les seves cançons dels anys 80. Ho era aquesta Manuel, del 1980, Chanson d'Adier va ser-ho també, però del 1981. Du matin, je n'arrive pas à m'endormir. Je n'arrive pas à oublier. J'allume cigarette sur cigarette. Je pense à toi. En ce moment, tu dors peut-être avec un autre. Il y a quelques semaines encore, nous étions ensemble. Je m'assieds au piano, je caresse les touches. J'ai envie de t'écrire en musique. Chanson d'adieu que tu pourras chanter certains soirs, quand la vie te fera des histoires pour rafraîchir ta mémoire. Rien qu'une chanson d'adieu à faire pleurer tous les amoureux, qui le jour où tu vas l'écouter te fera toi aussi pleurer. Chanson d'amour à chanter quand on a le cœur lourd, les soirs d'automne noyés de gris, quand on doute de la vie. Une vraie chanson d'adieu qui va raconter les jours heureux sur une mélodie d'aujourd'hui, couleur de mélancolie. Pourtant, on a toujours bien fait l'amour ensemble. Peut-être trop bien. Tu te rappelles, ces nuits où l'on s'endormait à l'aurore? Qu'est-ce qu'on était heureux, c'est fini. Tant pis, rien ne dure jamais. Mais pour marquer notre belle aventure et en cadeau de rupture, je te dédie cette chanson. Chanson d'adieu que tu pourras chanter certains soirs, quand la vie te fera des histoires pour rafraîchir ta mémoire. Une belle chanson d'amour à chanter quand on a le cœur lourd, les soirs d'automne noyés de gris, quand on doute de la vie. Quand on doute de la vie. Tanquem també aquesta part del nostre espai amb el record d'en François Valéry i amb una cançó del 1983, El Dance Marie. Les gens se disent qu'il faut être fou de vivre avec un Walkman toujours branché. Marie, elle s'en fout. Son père lui dit que c'est un garçon manqué. Au début, ça la faisait pleurer. Maintenant, elle danse, Marie, elle danse. Elle adore quand ça va. Se débine, c'est sa musique, son feeling, un peu son God Save the Queen. chambre, c'est son septième ciel, Marie. Tant pis si elle est toujours seule, loin de ses parents qui se font la gueule, Marie. Les gens du quartier disent de Marie qu'elle finira mal. De danser dans la rue, c'est pas normal, mais elle, elle s'en fout. Elle ne dit rien, elle entend pas. Elle sait qu'un jour elle partira. Où elle danse, Marie, elle danse. Elle adore quand ça va. Et tous ces complexes se débinent. C'est sa musique, son feeling. Un peu son God Save the Queen. Esteu escoltant Ulala Music. Música especial i companyia especial. La música, la que ens porta en Hamid, sempre és de la més especial del món. Manu Dibango, avec sa voix distinctive et sans saxo, bien sûr, c'est la chanson Négrier. Le négrier a jeté ton pauvre corps de nègre dans l'océan Atlantique. La nuit est si noire. La mer est si noire. Tu n'auras que ta peau pour linceul. Mais lui aussi sera noir. Dilong et Sona Abana. Nous avons pleuré. Bimbi. Toi et l'océan. Bimbi, bimbi. Nous avons plié. Rouge et le sang du noir et du blanc. Bana, rouge et le sang du noir et du blanc. Allez. Dans le port de Saint-Louis, wow. Nous avons été vendus au Sénégal. Beta Ison, Nanyunga Ison. Le coton est blanc. Le patron est blanc. Tu n'auras que ta peau pour les seuls. Mais lui ne sera pas blanc. Et c'est notre aboubé. Nous avons tué Bobé Guita. Non, et j'ai le sang du blanc et du noir. Més en Hamid ens ha aixequat amb una extraordinària cançó. C'est le gospel à la Manu Dibango Negrier. Recte final del nostre espai d'aquesta setmana i ho fem amb un altre dels àlbums destacats de finals de 2017, en debutant directament al número 2 de les llistes franceses. És un artista que va debutar fa molts anys enrere i, a més, molt ben considerat i amb multitud de premis amb els darrers anys, no pas un de sol, sinó molts d'ells, ja des de principis dels anys 90. N.C. Solar, amb el seu nom en anglès, el seu nom real és Claude Honoré Mbarali, nascut el 5 de març de 1969 a Dakar, al Senegal, un rapper considerat francès que va ajudar a popularitzar el rap a França als anys 90. Sobretot ens parlen d'ell per la seva música, però per la qualitat literària de les seves lletres, amb músiques africanes que ens arribaven del Txad, de Mali, de la Costa d'Ivori, i en tot això també barrejat amb música francesa, com sobretot de, també d'en Serge Gainsbourg. Escoltem avui cançons també d'aquest personatge, anomenat així N.C. Solar, de Jane et Tarzan, del seu àlbum Geopoètic del 2017. Toi, Jane, et puis c'est Tarzan. cité. Une fille de la cité, et là c'est la lassitude qui la rend si taciturne. Depuis petite, titre, la petite est une pépite, pas le genre qui se la pète parce qu'elle aura des pépettes. Mais la ville est une jungle, harcelée parce qu'elle a une belle gueule. Jupe courte façon jingle, si tu la siffles, elle te répond ta gueule. Le monde est mal et cette femelle veut le mettre à mal parce que cela lui fait mal, oui c'est une maladie. Tu veux la balader, mais c'est une baladine, pas le genre qu'on baratine, voilà ce que le mal a dit. Oui la ville est une jungle, où Tarzan recherche l'argent. Elle est seule, elle est single, c'est Jane qui recherche Tarzan. Oh, oh, oh. Elle se lamente parce qu'elle ne le trouve pas. Elle l'entend mais elle ne le voit pas. Lui Tarzan, toi Jane. Toi Jane et puis lui c'est Tarzan. Complote avec ses potes visant le jackpot en se disant ça à l'époque cela n'est pas une litote. Il ne vise que le bisou, oublie de faire des bisous ne baise que les banques abusent des bijoux. Car la ville est une jungle, quand on le chasse il s'arrache en stipple. Interpol à sa presse people, il se mate, trouve qu'il a une belle gueule. Il se mêle au monde pour voler des mâles et mallettes ou faire de big deal dans la ville de Malaga. Pour semer les poulets au podo pour Malabo, aider de Malabar, c'est là qu'il a trouvé la go. Oui, la ville est une jungle, où Tarzan cherche l'argent. Elle est seule, elle est single, c'est Jane qui recherche Tarzan. Oh, oh, oh, oh. Lui, Tarzan, toi, Jane. Oh, oh, oh, oh. Toi, Jane, et puis lui, c'est Tarzan. Estàs en bona companyia, estàs amb el nostre programa Olala Music, avui més dedicats a música més contemporània, amb aquest estil que en primer Ogelsan ens portava i ara en Solar també en la música, que aquest en rapper, com hem dit, que ens arribava des del Senegal, però bàsicament radicat a França des de sempre, ens portava la seva música i la seva companyia, especialment després d'aquest àlbum, que va sortir el 3 de novembre de 2017. El primer senzill va sortir el 1 de setembre com a avançament de l'àlbum, i és aquesta cançó que escoltaràs ara mateix, que porta el nom de Sonaton. J'ai des rides et des poches sous les yeux, les cheveux poivre et sel et l'arthrose m'en veut. À chaque check-up, ça ne va pas mieux. J'ai la carte vermeille et la retraite, je suis vieux. Les blouses blanches analysent ma pisse, testent ma prostate, me parlent d'hospice. Les gosses dans le bus me cèdent leur place. Et quand je me casse, ils parlent en verlan, style te malieux. Si les mots sont pioches, c'est ma tombe qu'ils creusent. Mais je dois rester droit malgré mon dos. Ma scoliose et salaud de l'imbago, j'étais une sommité. La qualité, j'ai bien travaillé, j'étais respecté. De juvénile après retraité, je n'ai pas profité, ma vie j'ai raté. Maintenant quoi, tu veux que je fasse du jogging, rattraper les années avec du bodybuilding, mettre de l'antiride à la graisse porcine, passe clean avec peeling et lifting, ça sonne faux. Je veux le feu, la forme, déformer le monde monotone et morne. Comme chaque printemps me pousse vers l'automne. Vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone. Prêt à appeler les forces des ténèbres, dévertébrer le verbe de toutes mes lèvres. Pour devenir celui qui gambade dans l'herbe, je lève la main gauche et déclare avec ferveur être prêt. Pour la face ou l'envers, pacte avec Dieu ou pacte avec l'enfer. Je veux l'élixir, la luxure, le luxe d'être permanent comme le clan Clu-Clux. Toi, viens à moi, tu deviendras explosif comme l'Etna. Agenouille-toi et regarde vers le bas. Agenouille-toi et regarde vers le bas. Vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens revivre de vieux papillons. Je passe à chrysalide, j'étais impotent. Maintenant ma peau se tend comme à 20 ans. J'ai avalé le printemps jeune fun. Je brille comme un gun neuf. J'ai du sang neuf. Je veux 1000 meufs, plus 1000 potes de banque en KL buff. Le tout si possible arrosé de 1000 teufs. Car tout est vicié, cercle vicieux. La balle à vessie, ici la calvitie. À toi merci, j'ai des preuves de ton œuvre. La jeunesse éternelle pour réécrire mon œuvre. Résurrection, retour de l'érection, de l'action. Quand avant c'était fiction, retour de la libido. Des nuits brèves, des alibis bidons pour réécrire. Écrire le rêve, elle, belle, citadelle assiégée par une armée rebelle. Moi, en émoi, escaladant la pierre pour finir dans ses bras. Je peux le faire, j'ai le feu, la forme, transforme un monde monotone et morne. Avaler le printemps, recracher l'automne, parce que rien ne se perd et tout se transforme. Parce que rien ne se perd et tout se transforme. Vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone. J'aurais voulu te dire que je m'en vais. J'aurais voulu te dire que je m'en vais. Que je m'en vais. Que je m'en vais. Doncs gairebé és el rush final del nostre programa després d'aquesta cançó, d'aquest àlbum que us comentàvem. Estem a Olala Music i ens queden un parell de cançons, per tant, ràpidament anem a escoltar aquest tema que dona nom al treball discogràfic i després ens acomiadarem amb l'última cançó del programa, Geopòtic. Commande un sondage pour des vacances à Singapour. On vote à main levée, y'a cinq filles contre et cinq gars pour. Routard je leur soumets, mes vacances seules en Estonie. Mais il manque une voix, était-ce Ariane ou Estonie? Une Asiate me branche, veux-tu Monténégro? J'ai descendu la tasse cul sec comme un schnapps du Monténégro. Petite taille, taille fine, était-elle taille ou de Taïwan? Son jean n'est pas diesel, c'est un gasoil de Taïwan. Cancer du tropique, corne de l'Afrique, traité atlantique, euro-asiatique, paysage angélique, art automatique, monde hypnotique, géopoétique. S'il te plaît, please, ne reste pas immobile comme mort. Fais Paris, Dieppe, Yep ou vol comme Bob au Comore. Depuis des lustres, je rafale sur le diable, mais pas de bol qui vit. Une promo d'Opodo cadeau me mène en Bolivie. Au Vatican, des Helvètes scrutent les pratiquants. Je jure que tu peux en voir le soir, cité du Vatican. Donc, j'ai fait mon service dans la Confédération Suisse. Si j'aime ça, affirmatif. Y'a que la Confédération Suisse. Cancer du tropique, corne de l'Afrique, traité atlantique, euro-asiatique, paysage angélique, art automatique, monde hypnotique, géopoétique. Du monde j'ai fait le tour, tout comme Davis Miles. J'y ai appris des choses, en grillant tous mes miles. J'ai connu la Pologne, la gare de Bologne. Je sais que pour la chasse en Sologne, faut pas mettre d'autres colonnes. J'ai vu la cordillère des Andes, le Honduras, en lisant Neruda, Hemingway, Simon Honduras. J'y buvais des légendes, on dit qu'en Colombie, les hiboux deviennent chouettes dès lors qu'ils croisent une colombe. Bi. Pour rouler sans trafic, chameau en Centrafrique. J'ai même croisé Jamaïque, le Rastaman en Jamaïque. Je lui parlais des plaines, du golfe du Yémen. Il lâchait des volutes accompagnées par des Yémen. Cancer du tropique, corne de l'Afrique, traité atlantique, euro-asiatique, paysage angélique, aromatique, monde hypnotique, géopoétique. Doncs acabem el programa d'aquesta setmana després d'haver escoltat Solar amb aquesta peça. François Valéry i Joel Sant han estat els protagonistes i ho fem amb una cançó recomanada per l'amic i col·laborador d'aquest programa, Cyril Torres, una de les que ens va deixar perquè en algun programa que ell no hi pogués ser, doncs poséssim Chez Mami, és Ma Vie Tu Vois. Nascut el 66 a la ciutat de Saïda, al sud d'Argèlia, Chez Mami ens acompanya. Salutacions de Rafael Corbí. Serà fins una propera ocasió, aquí, amb el nostre espai. Hola, la music. يلي قلبي عليك نكوى لو كان نعيش ما في دو فوا جامي جنوري مار دو توا جامي جنوري مار دو توا يلي قلبي عليك نكوى لو كان نعيش ما في دو فوا جامي جنوري مار دو توا جامي جنوري مار دو توا يلي قلبي عليك نقوى لو كان نعيش ما في دو فوا جامي جنوري مار دو توا جامي جنوري مار دو توا قلبي صغير ويغير عليه والو يتنوى بلا بي كندير كندير تخنامي راه قوى قلبي صغير ويغير عليه والو يتنوى بلا بي كندير كندير تخنامي راه قوى انت ضري وانت دوا يلي قلبي لو كان نعيش ما في دو فوا جامي جنوري مار دو توا جامي جنوري مار دو توا يلي قلبي